La légende du roi des dragons. Histoire bouddhique. La ville de Chang'an, capitale de l'Empire chinois, située dans le Shaanxi, est le lieu que les souverains ont choisi pour y établir leur cour depuis la dynastie des Zhou, des Qin et des Han jusqu'au Tang. Elle possède trois fleuves étincelants déroulés comme des étoffes de soie. Huit bras de rivière baignent ses murs en passant. Elle compte 36 allées plantées de saules et de fleurs et 72 pavillons où retentissent des instruments de musique de toute espèce. Sur les cartes qui figurent la Chine et les contrées barbares, cette capitale apparaît bien comme le point principal de toute la terre. Et en vérité, c'est un endroit admirable. Lorsque le grand souverain de la dynastie actuelle des Tang, Wen Wang Ti, son titre honorifique fut Taizong, monta sur le trône, il changea le nom de l'année Longxi en celui de Qingquan, qui fut la première de son règne. Au temps dont nous parlons, ce prince régnait depuis 13 ans et on se trouvait dans l'année Yixi. Nous ne parlerons pas des héros qui, avant son règne, avaient pacifié les provinces et affermi l'empire, ni des hommes éminents qui avaient fondé des dynasties et disputé les frontières aux barbares. Nous dirons seulement qu'à cette époque vivaient hors de la ville, sur le bord du fleuve Qingho, deux véritables sages. L'un était pêcheur et se nommait Zhang Shao. L'autre, appelé Li Ting, était bûcheron. Bien qu'ils ne fussent ni l'un ni l'autre des docteurs arrivés au premier rang des grades littéraires, ils n'en méritaient pas moins le titre de poète. Un jour, ils étaient venus vendre à la capitale, celui-ci le bois porté sur son épaule, celui-là le poisson dont son panier était rempli. Après le marché, ils entrèrent ensemble dans un cabaret, burent largement, puis, prenant chacun sa cruche à la main, ils s'en retournèrent en suivant les rives du fleuve. « Mon frère, dit alors le pêcheur Chang, j'ai toujours pensé que se disputer pour la renommée, c'est se sacrifier dans l'espoir d'un vain nom. S'arracher les emplois lucratifs, c'est se perdre par l'appât de l'intérêt. Vivre dans les honneurs, c'est dormir en tenant un tigre entre ses bras. Répandre des bienfaits, c'est réchauffer un serpent dans sa manche. Quand j'y songe bien, rien ne me semble valoir la fraîche beauté des eaux et le vert horizon des montagnes. Rien n'est doux comme de se laisser aller joyeux, sans trouble, sans passion ni envie à la pente de sa destinée. Mon frère a raison, reprit le bûcheron. Toutefois, l'élégante beauté de ces fleuves ne vaut pas le dôme verdoyant de nos montagnes. Ah ! Interrompit le pêcheur, le dôme verdoyant de vos montagnes ne peut se comparer à la beauté de nos flots. Il y a un recueil de poésie, intitulé Le papillon amoureux des fleurs, qui le prouve par les vers suivants. Au milieu des vagues fumantes, sur l'immense étendue, l'esquif est bien petit. Mais, errant et solitaire, il vogue tranquille comme la belle Sitché au sein de la musique qui la berce. Sitché, femme plus célèbre par sa beauté que par sa vertu, souvent citée par les poètes et les romanciers. Le cœur est calme et pur quand la gloire et l'intérêt en sont absents. Aux heures de loisir, on cueille les tiges épanouies des plantes du rivage et les herbes fleuries. Les oiseaux plongeurs s'ébattent sur les grèves qu'ils couvrent de leurs longues files. Parmi les saules de la rive, les joncs des anses profondes, la femme et les enfants du pêcheur viennent chanter et rire. Ils reposent en paix. Leur âme est un flot calme que le vent n'agite pas. Ils reposent sans désir de gloire, sans honte secrète, sans haine importune. Le bûcheron reprit. « Non, les eaux que vous célébrez ne valent pas le vert horizon des montagnes. Le même livre que vous venez de citer n'en donne-t-il pas la preuve dans les lignes suivantes ? Au milieu des forêts aux dômes vaporeux, les mélèzes s'élèvent, les fleurs s'épanouissent en foule. Dans le calme du silence, on entend la plainte de la perruche. Sa langue a des inflexions pareilles au son de la flûte. La teinte sombre de l'hiver s'efface devant la verdure qui s'étend au loin. Le printemps va faire sentir sa douce influence. Mais voici que l'été arrive d'un pas rapide, et il passe ramenant après lui l'automne qui a bientôt fait éclore d'autres fleurs brillantes et embaumées. L'automne qui a ses plaisirs aussi, puis tout à coup l'hiver austère et sérieux reparaît au jour qui lui est assigné. Joyeuse et tranquille pendant les quatre saisons, on vit sur la montagne dans une complète indépendance des hommes. « Non !» répliqua le pêcheur. « Vos vertes montagnes ne peuvent se comparer à la fraîche élégance des eaux. Nous avons pour nous de précieux avantages, célébrés dans le recueil intitulé « La perdrix regarde les cieux ». Écoutez, les eaux où se reflètent les nus séjours des immortels fournissent abondamment aux aises de la vie. La barque qui vogue au gré de l'aviron, c'est là notre demeure. On ouvre le dos écailleux des poissons, on fait rôtir la tortue à la verte carapace, on fait bouillir au milieu des flammes le crabe tacheté et la rouge crevette. La tige encore tendre des bambous, le fruit précieux qui mûrit en flottant sur les lacs, la châtaigne d'eau, voilà des choses qu'on peut vanter. Le gracieux nénuphar, le lotus vénéré, la violette des étangs, la menthe, la laguna des fossés étalent à nos yeux le luxe de leur végétation brillante. Le bûcheron répartit à son tour. « Non, la fraîche poésie des eaux ne vaut pas l'azur de nos montagnes. Elles ont leurs charmes et leurs avantages, vantés dans les vers du même poète que voici. Les sommets des monts, les pics élancés dans la nue touchent les limites du ciel. Une cabane d'herbes sèches, un toit de chaume, c'est là notre demeure. La venaison salée, la poule et l'oie l'emportent sur le crabe et la tortue. Le daim, le sanglier et le lièvre sont bien supérieurs au poisson et à la crevette. La feuille embaumée du citronnier, celle des philodes dont le parfum se communique au mets qu'elle enveloppe. La première pousse du bambou, le néflier, voilà ce qu'on peut plutôt vanter. La prune violette, la pêche rouge, l'abricot mûri par le soleil, la poire aussi douce au goût, la jujube dont la saveur est piquante, tels sont les produits délicats de notre végétation. « Non, reprit encore le pêcheur, vous ne pouvez mettre en parallèle vos riantes montagnes avec nos eaux si poétiques, les vers de l'immortel des cieux l'ont dit. » Petite comme la feuille flottante, la barque est encore la demeure qui nous convient. Au milieu des vagues écumantes amoncelées de toutes parts, le pêcheur n'éprouve ni crainte ni terreur. Il tend l'hameçon, il jette ses filets pour prendre de beaux poissons. Sans être assaisonné d'épices, ses mets flattent le goût. Le maître de la barque, sa femme et ses enfants se réunissent avec joie après les travaux qui les ont séparés. Si la pêche est abondante, ils la portent au marché de la capitale et l'échange pour le vin parfumé qui se boit à grands verres. Les habits d'écorce de bambou tiennent lieu de couverture et la famille du pêcheur clôt ses yeux et dort d'un sommeil profond, sans chagrin, sans trouble, sans s'attacher, comme on le fait parmi les hommes, à la gloire et à la noblesse. Non, répliqua le bûcheron. Encore une fois, vos eaux si fraîches ne peuvent lutter avec nos vertes montagnes. Ces mêmes vers ont dit aussi. La cabane de paille soutenue par quelques branches se cache au pied de la montagne. Les pins, les bambous, les abricotiers, les vanilliers forment un ravissant ombrage. On pénètre dans la forêt, on gravit les collines pour aller chercher le bois sec. Personne n'inquiète le bûcheron. Le gain est tantôt minime, tantôt abondant, et suivant les habitudes du siècle, on emploie son argent à acheter du vin. Au gré de ses désirs, les verres, les coupes, les tasses de porcelaine servent au joyeux festin. Après avoir bu largement, on s'endort dans une douce ivresse à l'ombre des pins, libre de toute inquiétude, sans être menacé dans ses intérêts, sans dépendre, comme ceux qui vivent parmi les hommes, du succès ou de la ruine. Le pêcheur ajouta de nouveau : La vie que vous menez dans les montagnes n'a point les charmes dont nous jouissons au sein des eaux. Il y a aussi des vers qui en font foi, dans le recueil intitulé « La lune au bord du fleuve de l'Ouest ». Écoutez, quand les mille fleurs empourprées du rivage reflètent l'éclat de la lune, quand les feuilles dorées des roseaux se froissent et se mêlent agitées par le vent, quand le ciel d'azur répand au loin sur le fleuve sa clarté diaphane, l'aspect des cieux invite à troubler avec l'aviron l'onde tranquille. Les astres nous convient à jeter les filets. Les grands poissons tombent dans le piège, les plus petits mordent à l'hameçon, et cette pêche abondante, bouillie sur les flammes ou rôtie sur les tisons, a une saveur qui charme le palais. Ainsi, joyeux et fiers, nous parcourons en maître les lacs que forme le fleuve Kang en s'élargissant. Le bûcheron reprit à son tour. « Mon frère, la vie que vous menez sur les eaux n'a pas les joies et les avantages de la profession qui nous attache aux montagnes. Le même recueil le prouve par ces lignes. Quand les lianes desséchées jonchent les sentiers, quand les tiges des blés sont coupées et que les bambous sèment leurs feuilles à travers la montagne, quand le chèvrefeuille dépouillé de sa verdure laisse pendre au tronc des arbres ses rameaux épars. On coupe et on lie en faisceau tout ce bois mort, puis on l'emporte sur son épaule. Les insectes ont rongé jusqu'au cœur l'orme et le saule. Le vent souffle et brise à leur sommet le pin et l'oranger. Ce qui a été recueilli à grande peine, on l'entasse pour les besoins de l'hiver. On l'échange pour du vin, pour de l'argent, au gré de sa fantaisie. Malgré tout ce que vous pouvez dire en faveur de vos montagnes, ajouta encore le pêcheur, elles n'offrent ni la paix ni la solitude des eaux bien plus poétiques. Il y a des vers intitulés « L'immortel s'approche du fleuve Kang » qui expriment ainsi ma pensée. Sur les lacs déserts, la nacelle sans compagne tourne et se meut en tous sens. Quand la nuit est close, on cesse de ramer et l'on vogue en chantant. On se couvre de ses habits de paille, et quand la lune s'efface derrière les nuages, quelle silencieuse obscurité! La mouette effrayée n'agite plus son aile, mais quand à l'horizon les nuages roses s'entr'ouvrent pour laisser paraître le soleil, fatigué des travaux de la veille, on dort parmi les gens, sur les îles, sans préoccupation. Jusqu'à la troisième heure du jour, on prolonge son sommeil. Selon le vœu de son cœur, on accomplit ses projets, on dispose à son gré l'emploi de son temps, tandis que les courtisans, l'œil sur la clepsydre, attendent l'heure de l'audience. Est-ce qu'ils ont comme nous la complète indépendance de leur âme ? La solitude si poétique de vos eaux, reprit le bûcheron, ne vaut pas la solitude et le silence de nos vertes montagnes, et nous avons, dans le recueil que vous citez, des vers qui le prouvent, les voici. Le printemps est passé, l'automne règne, on prend la hache, on part à la fraîcheur du soir, et l'on emporte sur son épaule la charge du jour. Les fleurs du désert hérissent la montagne, quel aspect plus admirable encore. Les nues s'abaissent à l'horizon, on cherche sa route, on attend que la lune paraisse. Enfin, le bûcheron frappe à la porte de sa cabane. Son enfant et sa femme, fille des montagnes, l'accueillent avec des chants et de riantes paroles. Un lit d'herbe, un tronc d'arbre pour oreiller, comme on prolonge son sommeil sur une telle couche. On fait cuire la poire, on mange le millet, on dispose tout à son gré dans sa demeure. Le vin nouveau fermente et bout dans la cruche. En vérité, c'est là une vie qui donne la santé, une existence obscure mais indépendante. Le pêcheur répondit : Tels sont en effet les travaux par lesquels nous pouvons, vous et moi, gagner notre vie et pourvoir à nos besoins. Mais vous n'avez pas, aux instants de loisir, les agréables ressources qui nous sont données. Il y a des vers qui en font loi. Écoutez. Aux heures du repos, au printemps, le pêcheur voit la cigogne blanche voler sous un ciel d'azur. Le bateau est arrêté aux rives débordées des lacs. À l'ombre du treillis qui abrite sa cabane, il se couche parmi les grandes herbes et apprend à ses enfants à entourer l'hameçon d'un fil de soie. Quand il a cessé de ramer, il s'en va, en compagnie de sa femme, faire sécher ses filets. La nature l'a doué d'un caractère ferme et calme, il est semblable aux flots apaisés. Si, pendant son sommeil, il sent s'élever une brise légère, il déploie, selon la saison, le pâle manteau d'écorce qui garantit des pluies d'hiver, ou le verdoyant parasol qui défend contre les rayons du soleil. Combien ce simple accoutrement l'emporte sur le bonnet de gaze noire et la ceinture à laquelle pend le sceau du mandarin, riches habits qu'il faut suspendre au mur du palais au temps de la disgrâce. Non, reprit le bûcheron, ce qui charme vos loisirs ne peut se comparer aux avantages qu'offrent les montagnes. Des vers aussi en rendent témoignage, et les voici. Aux heures de loisir, le bûcheron regarde voler la nuit blanche nuancée de mille reflets. Il s'assied solitaire devant sa cabane de chaume, à l'abri du treillis de bambou. Et là, sans que rien l'inquiète, il apprend à ses enfants à déchiffrer les livres. À l'occasion, il fait avec un hôte la partie d'échecs. Puis la joie s'anime. Il prend un bâton et parcourt en chantant les sentiers jonchés de fleurs odorantes. Sa verve s'éveille et il fait retentir son luth au pied des vallons. Des souliers de paille, des habits de toile, de grossières couvertures donnent au cœur plus d'indépendance et d'énergie que des vêtements de soie brodés. « Mon frère, interrompit le pêcheur Chang, nous pourrions lutter longtemps encore en échangeant de petites pièces de verre. Il ne faut pas mettre la coupe d'or sur la table de Sandal et laisser sortir la louange de la bouche du poète intéressé. Nos chants seraient ainsi dépourvus de sens et manqueraient leur but. Dans des vers liés deux à deux, il faut célébrer alternativement les avantages dont jouissent le bûcheron et le pêcheur. « Mon frère a parfaitement raison, répartit le bûcheron Li, et je te prie de commencer. » Le pêcheur Chang prit donc la parole. La barque flotte sur les eaux verdoyantes et sur les flots écumeux. La cabane s'élève dans les profondeurs de la montagne au sein d'une campagne déserte. Que j'aime à voir au printemps les ponts jetés sur les torrents submergés par les eaux débordées. Quel beau spectacle aussi quand les brouillards du matin voilent et baignent les pics et les flancs caverneux des montagnes. C'est l'époque où la carpe brillante, prête à se changer en dragon, est rôtie sur la flamme. C'est le temps où le bois sec, rongé par les vers, pétille dans l'âtre. L'hameçon et le filet variés à l'infini suffisent aux besoins du pêcheur. Savoir lier le bois en faisceau et l'emporter sur l'épaule sont deux choses qui soutiennent le bûcheron pendant toute sa vie. Couché dans sa nacelle, le pêcheur suit des yeux le vol de l'oie sauvage. Parmi les sentiers qui serpentent sur la montagne, le bûcheron écoute la voix du cormoran. Ce qui fait l'objet des discours des hommes nous est étranger. Le blâme et la louange ne nous atteignent point sur les mers. Sur le bord des eaux répandues dans la vallée, on suspend et on fait sécher les filets pareils à des écharpes. La hache bien aiguisée sur la pierre étincelle comme l'acier du glaive. Au mois d'automne, quand la lune se reflète sur les fleuves, l'hameçon solitaire demeure plongé sous les flots. Sur les montagnes, au printemps, aucun homme ne trouble le bruit des pas. Le poisson qui charge la barque est échangé contre du vin que le pêcheur savoure avec sa femme. À l'aide du bois coupé sur les monts, on emplit sa coupe qui circule à la ronde. On s'égaie, on puise le vin au gré de son caprice. On chante, on rit longtemps, on s'abandonne à sa folie. On appelle du nom de frère tous les compagnons de pêche. On regarde comme amis, on soutient comme camarades tous les hôtes de son désert. Chemin faisant, on a soin que les rameurs fassent circuler la bouteille. On efface de sa devise le mot raison, et les verres bien remplis passent de main en main. Le crabe rôti, La crevette bouillie sont chaque matin le repas joyeux du pêcheur. Le canard et la poule, soigneusement préparés, chargent chaque jour la table du bûcheron. L'épouse de l'habitant des lacs fait bouillir l'eau du thé. Tout son extérieur est comme sa pensée, sans apprêt et sans coquetterie. La femme de l'habitant des montagnes fait préparer le vin. Elle est soumise et gracieuse. Dès l'aurore, on lève la gaffe et l'on vogue lestement sur la vague. À peine le jour paraît et, muni d'une ample provision de bois, on chemine par la grande route. Lorsqu'il a plu, on jette sur son épaule le manteau d'écorce et l'on part pour prendre la carpe vive. Avant que le vent ne souffle, on saisit la hache pour abattre les pins desséchés. Dans les sentiers solitaires, on fuit le siècle. On se met à l'abri des folies du monde. Grâce à l'obscurité de son nom, que rien ne trahit, on vit dans les montagnes sans faire parler de soi et sans entendre parler des autres. Le bûcheron Ting reprit. Puisque mon frère a parlé le premier, qu'il me permette d'ajouter quelques lignes à celles qu'il a récitées. Sous l'influence des vents et de la lune, l'habitant du désert est rude et sauvage. Le pêcheur est fier de sa liberté en face des fleuves et des lacs. Aux heures d'un pur loisir, on se livre au plaisir de boire. Les propos fâcheux ne se font point entendre au milieu de la paix d'une vie libre et joyeuse. Quand la lune brille, le bûcheron dort sous son toit de chaume avec tranquillité. Quand le ciel devient sombre, le pêcheur couvert de son manteau d'écorce repose sans préoccupation. Quelle inquiétude y aurait-il pour celui dont le mélèze et le prunier des montagnes sont les plus intimes amis? Il y a bien de la joie pour le pêcheur qui a juré affection aux cormorans et aux hérons. La gloire et l'intérêt n'agitent point de leurs vains projets la tête et le cœur de celui-ci, et celui-là n'entend point bruire à ses oreilles les voix querelleuses de la contradiction. Selon la saison, on boit une coupe de vin parfumé. Chaque jour, aux trois repas, on sert la chair du mouton cuite avec les herbes du jardin. Deux fagots de bois suffisent, par le produit de leur vente, à la vie de chaque jour. Un hameçon avec sa proie, un filet chargé, suffisent pour assurer l'existence. Aux heures du repos, on dit à ses fils d'aiguiser sa hache. Aux instants de loisir, on dit à ses fils de réparer les vieux filets. Au printemps, que la verte tige des osiers est charmante à voir, quand souffle une brise attiédie, quelle joie d'aller admirer les roseaux couleur d'argent. Pendant l'été, on fuit l'ardeur du soleil parmi les jeunes bambous. Au sixième mois, on profite de la fraîcheur du soir pour aller cueillir la châtaigne d'eau encore tendre. Quand tombe la gelée d'automne, au dixième mois, à chaque repas, on sert l'oie engraissée. Au neuvième jour de la neuvième lune, les larges crustacés deviennent le régal de la saison. L'hiver arrive-t-il ? On prolonge longtemps après l'aurore son profond sommeil. Quelques jours encore et le froid est banni des cieux. Pendant les huit divisions de l'année, on vit sur les montagnes selon ses goûts. Dans les quatre saisons, sur les lacs, on façonne son existence au gré de ses caprices. Celui qui cueille le bois dans les vallons s'élève au rang des immortels. Celui qui tend la ligne dans les flots ne ressemble plus aux mortels vulgaires. À la porte de la cabane, les fleurs sauvages exhalent un parfum abondant. À la proue de la barque se déroulent les flots verdoyants, calmes et immenses. Au sein d'un tel repos, ne parlez pas des trois grandes dignités de l'Empire. Le sage affermi dans la paix ressemble à une ville fortifiée. Sur les murs de cette ville, un chef veille à sa défense, tandis que ses trois grands dignitaires prêtent aux voix de la foule une oreille inquiète. La joie partage de l'habitant des montagnes, la joie partage de l'habitant des eaux est une rare faveur. Grâce en soit rendue au ciel, grâce en soit rendue à la terre, grâce en soit rendue aux esprits. Après avoir récité d'abord les pièces de vers célébrant les avantages de chacun, Puis ces deux morceaux où la demande et la réponse marchaient enchaînés, les deux poètes, arrivés à l'endroit où la route se partage, allaient se saluer et se dire adieu lorsque le pêcheur Chang Zhao parla ainsi. Frère, veillez à vous préserver des dangers qui vous menacent sur la route. Quand vous gravirez la montagne, si vous alliez rencontrer un tigre, un tel péril de mort se présentant, il se pourrait que demain, au marché, il me manquât un ami. Homme stupide et sans cœur, s'écria le bûcheron Li, fort irrité par les paroles du pêcheur. Quand deux amis dévoués devraient donner leur vie l'un pour l'autre, comment me maudissez-vous ainsi par ces expressions de mauvais augure? Eh bien, si je rencontre un tigre, si je suis menacé d'un tel danger, le péril qui vous attend viendra des flots, et vous serez renversé dans les eaux du fleuve. De toute ma vie, répondit le pêcheur, je ne puis tomber dans les flots. Cependant, reprit le bûcheron, le ciel recèle des vents et des orages qu'on ne peut deviner. L'homme est sujet à de rapides alternatives d'heures et de malheurs. Comment donc auriez-vous des assurances contre ce péril? Frère, répondit le pêcheur, malgré tout ce que vous avez dit en faveur de votre profession, vous n'avez pas les mêmes recours que nous contre le danger. Non, vous n'avez pas comme nous un appui assuré qui vous mette à l'abri des malheurs auxquels vous faisiez allusion. Mais enfin, ajouta le bûcheron, en passant votre vie sur les flots, vous êtes exposé à 1000 périls, à 1000 accidents sérieux, impossibles à prévoir, à éviter. Quelle garantie avez-vous donc? Écoutez, dit alors le pêcheur Chang, il y a quelque chose que vous ne savez pas. À la capitale même, dans la rue de la Porte de l'Ouest, demeure un vieux devin. Chaque jour, je lui apporte une petite carpe couleur d'or, et en récompense, il me prédit l'avenir au moyen de sa table divinatoire. S'il interroge 100 fois le sort, 100 fois il réussit. Aujourd'hui, je suis allé chez lui pour cela même, et il m'a dit que si je jette mes filets à l'entrée d'une anse du fleuve Kinko du côté de l'Orient, et si je tends l'hameçon sur la rive occidentale, je suis sûr de prendre des poissons et des crevettes, de quoi charger un chariot. Demain, quand je reviendrai à Changnan vendre ma pêche et acheter du vin, je retournerai saluer le docteur. Là-dessus, les deux amis se séparèrent. Or, comme ils conversaient ainsi chemin faisant, il y avait quelqu'un caché dans les herbes, et c'était précisément un des satellites du roi des dragons, dont le palais se trouve sous les eaux du fleuve Kinko, et celui-même qui inspectait les domaines de son maître. Quand il entendit ces paroles, « Si le sorcier interroge 100 fois le jour, le sort, 100 fois il réussit », le petit génie retourna en toute hâte au palais du dieu et s'élançant vers lui, il s'écria « Malheur, malheur !»« Et quel malheur nous menace ?» demanda le roi des dragons. « Seigneur, répondit le petit génie, votre sujet, en faisant son inspection, est allé sur les bords du fleuve, et là il a entendu un bûcheron et un pêcheur qui causaient ensemble, et les dernières paroles prononcées par eux au moment où ils se disaient adieu renferment un sens funeste et terrible. » Le pêcheur a parlé d'un devin dont il a indiqué la demeure, devin fort habile à connaître l'avenir au moyen des nombres et qui, pour le prix d'une petite carpe d'or apportée chaque jour, lui dévoile les choses futures. Et cela, sans jamais se tromper une fois sur 100. Puisque telle est la puissance de ce sorcier, si, dans le plus grand intérêt des habitants des eaux, on ne cherche pas à le détruire, à quoi servira de veiller avec zèle sur l'empire des mers? À quoi servira de galoper sur les vagues et de voltiger sur les flots pour assurer la conservation de la puissance imposante que possède votre majesté? À ces mots, le roi des dragons, transporté de colère, saisit son glaive à 2 tranchants. Il voulait s'élancer vers la capitale des Tang pour anéantir l'audacieux sorcier. Mais tout autour de lui s'agitèrent les princes, ses fils et ses petits-fils. la crevette grand mandarin, le crabe conseiller d'État, l'esturgeon chef des armées, le turbot maître des requêtes, la carpe chef du conseil. Et d'une voix respectueuse et unanime, ils firent au souverain cette observation. « Grand roi, modérez votre indignation. Le proverbe dit, si une parole traverse votre oreille, n'y ajoutez pas foi. D'ailleurs, grand prince, dans cette circonstance, n'avez-vous pas les nuées pour vous obéir, les pluies pour vous seconder? Si vous jetez l'épouvante parmi le peuple de Chang'an, le ciel s'irritera, vos ressources de toute espèce sont incalculables, vos métamorphoses illimitées. Ainsi, changez-vous en jeune lettré, par exemple, et allez dans la capitale vous informer si ce devin existe réellement, auquel cas il vous sera très facile de l'exterminer sur l'heure. Si ce sorcier était une vaine chimère, alors il ne faudrait faire de mal à personne. » Cédant à ces observations, le roi des dragons abandonna immédiatement son glaive précieux et sans amonceler ni nuée ni pluie, il monta sur la rive du fleuve et se changea en un étudiant dont les habits ne portaient les insignes d'aucun grade littéraire. Son visage rond et gracieux décèle un merveilleux talent. Il monte sur le rivage, pareil au soleil s'élevant vers le zénith. Sa marche est droite et élégante, son pas régulier et mesuré. Ses expressions sont conformes aux doctrines de Confucié et de Mengzi. Son allure est pleine de dignité. Une grâce admirable se traduit dans toute sa personne. Il est couvert d'une tunique de soie de couleur verte, et sur le bonnet qui orne son front, on lit « joie et bonheur ». D'un pas rapide, il s'avance sur la route comme s'il eût fendu la nue, et arrive à la capitale, à la grande rue de la Porte de l'Ouest. Là, le roi des dragons aperçoit un groupe nombreux et serré, tumultueux et bruyant, au milieu duquel un respectable docteur enseignait et parlait de la manière suivante. La famille entière des dragons a reçu du ciel une existence spéciale, celle des tigres est en guerre continuelle. Bien que les quatre instants du jour, Yin, Qin, Se et Hai, se suivent dans un ordre rigoureux, cependant on peut craindre aujourd'hui une révolte contre le dieu qui préside aux années. Ce langage kabbalistique n'est pas plus intelligible en chinois qu'en français. Cependant, on y retrouve une allusion à ce qui va suivre. À ces mots, le roi des dragons reconnaît qu'il est dans la demeure du sorcier. Il s'avance vers lui en fendant la foule. Il regarde et à ses yeux s'offrent quatre murailles enrichies de diamants, des broderies de soie tendues par toute la salle. Dans de précieuses cassolettes brûlent incessamment d'odorants parfums. Là sont rangés des vases de porcelaine pleins d'une eau pure, et sur la tapisserie, au milieu de portraits placés des deux côtés, on voit celui de Wang Wei, qui est un écrivain distingué qui vivait sous la dynastie des Tang. Au-dessus de son siège est suspendue l'image de Kuaiko, célèbre devin du temps de la dynastie des Qin. Il vivait retiré du monde et allait souvent sur le mont Yunmengshan cueillir des herbes médicinales. Il forma plusieurs disciples et devint immortel. L'encrier du devin est une pierre de la rivière Tuanqi, rivière du Tsechehu dans le Shenzi. On sait que les Chinois délaient leur bâton d'encre sur une pierre plate. Son bâton d'encre est doré. Près de lui sont de grands pinceaux d'un poil éclatant comme la gelée et des boules de cristal rangées en fil. À ses côtés, on voyait un exemplaire nouveau du livre Kuo-po, souvent interrogé par les astrologues. Le sorcier sait à fond les six figures employées dans les divinations et possède aussi parfaitement les huit quas. Les huit quas, ou diagrammes inventés par Fo Hi, ou plutôt vus par lui sur le dos du dragon dans les temps fabuleux, 3468 avant Jésus-Christ. Il représente le ciel, la terre, la foudre, les montagnes, le feu, les nuées, les eaux, le vent. Ce sont les combinaisons d'une ligne horizontale entière ou coupée, modifiée de 8 façons et dont la multiplication donne 64. Il excelle à connaître les lois qui régissent le ciel et la terre et pénètre par son savoir l'esprit des génies et des immortels. Son plateau magique est exposé au midi. Il y peut lire clairement l'ordre et la marche des étoiles et des planètes à travers les cieux. L'avenir et le passé s'y reflètent à ses yeux aussi nettement que le disque de la lune. Les familles qui prospèrent et celles qui s'écroulent ruinées, il les voit comme un esprit les verrait. Il a la prescience du malheur, il décide de la mort et dicte la vie. À sa voix, les vents et les pluies se hâtent d'obéir, les génies et les esprits tremblent quand il abaisse son pinceau. Son nom est écrit sur une enseigne devant sa porte et on y lit « Demeure du devin Yuan Chou Ting ». Or, cet homme, c'était donc Yuan, le principal astronome de la cour. Yuan Chou Ting, l'oncle du génie qui préside à la grande ours. Doué d'une physionomie distinguée, remarquable, gracieuse et pleine de majesté, il avait vu sa réputation s'accroître dans le céleste empire. On le regardait comme le chef des devins de la capitale. Arrivé à la porte de l'astronome, le roi des dragons salua poliment. Après les cérémonies d'usage, Yuan Chou prit l'étranger de s'asseoir, fait apporter une tasse de thé et demande à son hôte quelle affaire l'amène près de lui. « Je désire, répondit le faux étudiant, apprendre par le secours de votre art surnaturel ce qui se passera demain dans l'atmosphère. » Le docteur eut recours à des procédés divinatoires et répondit avec assurance. Les nues obscurcissent le sommet des monts. La brume enveloppe lentement les bois comme un réseau. La divination déclare que demain matin, il doit tomber une pluie bienfaisante. « Et cette pluie, demanda le roi des dragons, tombera-t-elle pendant longtemps ? À combien de pieds, de pouces, de lignes s'élèvera-t-elle ? » Le devin répondit, « Demain, de 7 à 9 heures, les nuages s'étendront. De 9 à 11, le tonnerre grondera. La pluie commencera à tomber à midi, et à 3 heures, elle aura fini sa tâche. L'eau s'élèvera à 3 pieds, 3 pouces, 8 lignes. » Ces expressions ne représentent pas exactement les mesures chinoises, mais elles ont l'avantage d'exprimer des valeurs connues. « Prenez garde !» interrompit le roi des dragons avec un sourire. « Parlez sérieusement. Si tout se passe demain exactement comme vous l'annoncez avec tant d'assurance, je viendrai vous offrir 50 liangs d'or pour prix de votre opération magique. Mais s'il ne pleut pas, ou si la pluie ne tombe pas à l'heure et dans la proportion indiquée, je vous jure que je ruinerai votre école, je mettrai en morceaux l'enseigne qui est à votre porte, et je vous ferai sortir au plus vite de la capitale, afin que vous n'abusiez plus ainsi de la crédulité du peuple. » Le devin se mit aussi à sourire et répondit, « C'est une chose convenue, décidée. Adieu. Adieu, à demain, après la pluie. » Le roi des dragons, ayant salué le sorcier, sortit de la capitale et revint à son palais. Aussitôt, tous les génies de l'empire des eaux, grands et petits, vinrent au devant de leur souverain et lui demandèrent ce qu'il en était du devin. « il existe en vérité, répondit le roi des eaux, mais c'est un bavard. Un vieux fou qui débite des impertinences. » De nos jours, dit en marge l'éditeur chinois, est-il un seul devin qui ne soit aussi un fou et ne débite des impertinences? Puis il raconta mot pour mot, à la cour aquatique, tout ce qui s'était passé entre l'astronome et lui. Grand roi, ajoutèrent en riant les habitants des eaux, Vous êtes le divin dragon, l'esprit qui préside à la pluie, le maître, l'ordonnateur absolu des 8 fleuves. S'il doit pleuvoir ou non, qui le saura si ce n'est vous? Comment a-t-il osé parler si follement? Le sorcier a perdu, il est battu complètement. Les fils et les petits-fils du roi des dragons, ainsi que les grands dignitaires de sa cour, rirent et s'amusèrent longtemps de cette aventure. Mais tout à coup, ils entendirent au milieu des airs une voix qui criait « Roi des 8 fleuves, venez recevoir un ordre divin !» Tous les habitants du monde aquatique levèrent la tête. C'était un guerrier vêtu d'or qui tenait à la main un ordre du maître des cieux et pénétrait dans l'empire des ondes. Le roi des dragons, tout troublé, ajuste ses vêtements, se lève par politesse, brûle des parfums et reçoit l'ordre céleste. Le guerrier à la cuirasse d'or disparaît à travers l'espace qu'il a franchi pour venir. Et alors, après avoir, avec une respectueuse reconnaissance, brisé le sceau de la lettre, le roi des dragons y lut ce qui suit. Ordre au maître suprême des 8 fleuves de prendre avec lui le tonnerre, de faire marcher les éclairs et de verser demain sur la ville de Chang'an une pluie bienfaisante qui répande partout l'abondance et la fertilité. Sur ce décret céleste, les détails de l'heure se trouvaient absolument d'accord avec les pronostics de l'astronome qui ne s'était pas trompé d'une minute. Le roi des dragons, tout épouvanté, fut prêt de s'évanouir. Mais dans un instant, il revint à lui, et devant toute sa cour assemblée, il s'écria « Sur cette terre de poussière, il y a des hommes doués d'une intelligence surnaturelle. Il est bien vrai que ce devin a le pouvoir de connaître les lois qui régissent le ciel et la terre, et la partie n'est pas gagnée contre lui. » « Grand roi, prenez courage, dit alors l'esturgeon chef des armées. Il faut vaincre cet astrologue et la chose n'est pas difficile. Votre sujet a même un petit projet et il se charge de vous expliquer la manière d'anéantir cet effronté bavard. »« Et ce plan, quel est-il ? » demanda le roi des eaux. « Le voici, répondit le chef des armées aquatiques. C'est de faire tomber la pluie de telle sorte qu'il se trouve une petite erreur dans le temps et la durée, et malgré son assurance, le devin sera en défaut. Alors, il se trouvera évidemment vaincu. Vous ferez voler en éclats son enseigne et vous le forcerez à prendre la fuite. Quelle difficulté y a-t-il à cela ? Le roi des dragons accueillit cette proposition et se sentit soulagé. Le lendemain, le génie de la pluie, le génie du vent, le maître de la foudre, les jeunes immortels qui président aux nuées et la reine des éclairs eurent ordre de s'assembler au-dessus de la ville de Chang'an. Réunis dans l'espace au-dessus du 9e étage du firmament, ils s'y tinrent serrés. À 9 heures, les nuages s'étendirent. À midi, la foudre éclata. D'une heure à 3, la pluie tomba. Et à 4, elle avait cessé. Mais la quantité d'eau ne s'éleva qu'à la hauteur de 2 pieds 7 lignes. L'instant précis avait été changé, et il se trouvait une erreur de 3 pouces et 1 ligne. Quand la pluie fut passée, le roi des dragons licencia son cortège, et lui-même, saisissant un nuage qui s'abattait, il reprit son ancienne forme d'étudiant sans grade et se rendit dans la grande rue à la porte de l'ouest. D'un pas brusque, il s'avance vers la demeure de l'astronome Yuan Cheu et, sans daigner s'expliquer davantage, il met l'enseigne en morceaux. Mais le devin, assis sur son siège, reste calme et digne, dans une complète immobilité. Cependant, le dieu des eaux fait sauter les battants de la porte et éclate en injures contre l'astronome. « Homme endiablé ! » s'écria-t-il, « qui prédisais à tort et à travers le bonheur et le malheur, pervers qui trompais à ta fantaisie le peuple crédule. Non, tes divinations n'ont rien de surnaturel, tes paroles n'étaient que mensonges et fourberies. Aujourd'hui, tu n'as pu te trouver d'accord avec l'heure à laquelle la pluie est tombée. Et encore, téméraire, tu restes effrontément assis devant moi. Profite donc des instants et sauve-toi si tu veux éviter la mort qui serait le châtiment de ton crime. » Toujours plein de dignité, inaccessible aux plus légers sentiments de frayeur, le devin leva les yeux au ciel et répondit avec un froid sourire. « Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas commis de crime qui mérite la mort. Mais je crains que toi, au contraire, tu ne te sois rendu coupable d'un crime capital. Un autre que moi eût été facilement ta dupe, mais moi, il n'est pas aisé de me tromper. Je te connais, tu n'es point un lettré, mais le roi des dragons, tu as désobéi à l'ordre du Dieu suprême, tu as dérangé les heures, supprimé des minutes, tu t'es révolté contre les lois du ciel. Ainsi donc, seigneur roi des mers, j'ai bien peur que tu ne puisses échapper au glaive qui te menace dans la tour de Kualantei, du dragon coupé en morceaux. Et tu viens m'insulter ici ? À ces paroles, le roi des dragons sentit son cœur défaillir et son courage fut anéanti. Il frissonne de tous ses membres, lâche au plus vite les battants de la porte et, rajustant ses vêtements, il s'incline respectueusement devant le devin, puis tombe à ses genoux en s'écriant « Docteur, ne vous emportez pas contre moi. Ces paroles n'étaient qu'une plaisanterie. J'étais incapable de discerner le mensonge de la vérité. Mais hélas, j'ai péché contre le ciel. Puis-je espérer que vous daignerez me sauver? Sinon, quand je devrais mourir ici, je ne vous quitte pas. » « Je ne puis te sauver, » reprit le devin. « Seulement, je vais t'indiquer ce qui doit t'arriver et abandonner ton sort entre tes propres mains. » « Je vous en supplie, daignez m'instruire, » interrompit le roi des eaux. Le devin répondit. « Demain, à midi 3 minutes, tu devras te trouver près du ministre Wei Qing, qui rend la justice parmi les mortels, afin d'entendre ta sentence. Et si tu tiens à la vie, il faut aller ensuite en toute hâte demander grâce à l'empereur Taizong de la dynastie actuelle des Tang. C'est le meilleur moyen. » Wei Qing remplit les fonctions de premier ministre près de Taizong, et si tu peux émouvoir le prince en ta faveur, il ne t'arrivera rien de fâcheux. » À ces mots, le roi des dragons salua l'astronome, lui dit adieu, et se retira en essuyant ses larmes. Puis, tout à coup, le soleil de pourpre se coucha dans les profondeurs de l'Occident. La lune s'éleva avec les étoiles, et alors les montagnes au sommet neigeux, couvertes de vapeurs, prennent une teinte violette. Les corneilles reviennent au gîte, lasses d'un long trajet. Le voyageur cherche une retraite pour la nuit. Auprès du gué, les oies sauvages, nouvellement arrivées, reposent le long des grèves. La voie lactée étincelle comme l'argent, les heures passent rapides. Dans le village isolé, les lumières ne jettent plus qu'un pâle reflet. Une brise légère répand le pur parfum qui s'élève des cassolettes au fond des couvents de bonze. Les songes riants et légers entrent dans l'homme et il ne voit plus rien. La lune fait mouvoir l'ombre des fleurs sur la balustrade. La foule confuse des étoiles brille aux cieux. La clepsydre est retournée. La goutte d'eau ne rend plus le même son. Déjà la moitié de la nuit silencieuse et calme s'est écoulée. Le roi des dragons ne retourna donc point dans son empire des eaux, mais après avoir attendu jusqu'à minuit dans le milieu des airs, il s'enveloppa d'un nuage, assembla le brouillard autour de lui et arriva aux portes du palais de Taizong. Or, à ce moment, le grand souverain de la dynastie des Tang rêvait, et voici quel était son rêve. Étant à se promener hors du palais, à la clarté étincelante de la lune, le roi des dragons s'offrit précipitamment à sa vue sous les traits d'un mortel, et se jetant à genoux devant lui, il s'écria « Seigneur, sauvez-moi, grâce, grâce pour moi !»« Qui es-tu pour que je te sauve ?» demanda l'empereur. Et la réponse de l'inconnu fut celle-ci. « Votre humble sujet est sous sa véritable forme un dragon. Sa profession est de régner sur les eaux, mais il s'est révolté contre le ciel. Le sage ministre de votre majesté, Wei Qing, administrateur de la justice parmi les mortels, doit prononcer la sentence. Voilà pourquoi le coupable implore la miséricorde de votre majesté. Qu'elle daigne le sauver !» « Puisque c'est mon ministre qui exécute la sentence, répondit l'empereur, je puis te faire grâce. Reprends courage et va en paix. » Le roi des dragons, transporté de joie, salua Tai Tsong et partit. Cependant, à son réveil, l'empereur avait réfléchi sérieusement à son rêve de la nuit. Puis, à 5h03, tous les magistrats civils et militaires étaient par son ordre réunis autour du trône. Alors, les lanternes sont suspendues aux portes du phénix. Les parfums abondants brûlent dans les appartements du dragon. Phénix et dragon sont des épithètes des choses qui appartiennent à l'empereur. Les lumières scintillent, le paravent derrière lequel sa majesté se tient assise pendant l'audience. Le paravent couleur de pourpre s'agite. Les nuages d'encens sont chassés en l'air et s'écoulent en lambeaux étincelants. Le roi et le sujet sont unis comme Yao et Shun. L'empereur Yao, qui commença à régner l'an 2357 avant Jésus-Christ, associa à l'empire Yushun, étranger à sa famille, mais admis à cet honneur à cause de ses vertus et à l'exclusion de l'héritier du trône que des vies s'éloignèrent de la succession. Le souvenir de ces deux personnages qui apparaissent à l'aurore de l'histoire est resté cher aux Chinois. Les rites et la musique sont sévères et graves, comme au temps des dynasties des Han et des Zhou. Les serviteurs qui portent des flambeaux, les jeunes filles du palais qui tiennent les éventails placés deux à deux, s'illuminent d'un double éclat. Les écrans sur lesquels sont peints des paons, ceux qui représentent les licornes apparaissent de toutes parts, resplendissant comme une nuée flottante. Tout le peuple s'écrie d'une seule voix « Longue vie au souverain !» et prie le ciel de lui accorder 10 000 automnes. Le texte dit « Crier comme la montagne ». Le Seiki rapporte que le grand maître des cérémonies étant, dans une circonstance solennelle, monté sur la montagne sacrée du milieu, il y en eut 5 sous les Tchéous, les officiers subalternes restés en bas entendirent un bruit qui semblait sortir de la montagne et imiter le son de Wan Sui, 10 000 années à l'empereur. Tout à coup, au milieu du silence, le fouet retentit à 3 reprises. Le fouet dont on se sert pour écarter la foule devant le cortège. Les courtisans en habits de fête se découvrent devant le bonnet impérial. Tout le palais est inondé de riantes lumières. Il s'élève un parfum enivrant. On entend retentir une musique douce et suave comme la brise dans les saules de la digue. Les stores enrichis de pierres précieuses, les paravents aux dessins fantastiques et riches sont suspendus et relevés par des agrafes d'or. Voici les éventails sur lesquels brillent le phénix et le dragon, sur lesquels sont dessinés des fleuves et des montagnes. Le char de diamants s'arrête. Les magistrats civils, les très éminents par leur savoir, les magistrats militaires, héros à la fière démarche, se tiennent rangés des deux côtés de la route que suit l'empereur. Ils s'écoulent en ordre et par fil sur le parquet étincelant. 3 éléphants s'avancent, couverts d'ornements d'or et de housses de soie violette. Les cieux et la terre sont infinis et éternels. Puisse sa majesté vivre 10 000 automnes. Quand les magistrats eurent fini de faire leur cour, chacun reprit son rang. Alors le grand souverain de la famille des Tang, ouvrant son œil de phénix et roulant sa prunelle de dragon, les regarde l'un après l'autre. Tous étaient là, présents, pleins d'une majestueuse dignité et debout dans une attitude de respect. Le ministre Wei Qing, lui seul, manquait à l'appel. Tai Tsong, ayant fait venir près de lui l'intendant du palais Yu Shixi, lui raconta son rêve, puis il ajouta « J'ai donné ma parole au dragon, j'ai promis de le sauver, mais voilà que mon ministre ne paraît pas au milieu de vous. Pourquoi cela ?»« Sire, répondit l'intendant, puisque dans ce rêve le ministre était spécialement désigné comme celui qui doit exécuter la sentence, il faut le faire appeler à la cour, l'y garder et ne pas le laisser sortir de tout le jour. De cette manière, vous pourrez sauver celui qui vous est apparu en songe. » Cette réponse plut beaucoup à l'empereur, et aussitôt un officier du palais fut chargé de transmettre au ministre l'ordre de se présenter immédiatement devant le trône de Sa Majesté. Or, pendant qu'il était dans son hôtel, au milieu de cette même nuit, Wei Qing avait aperçu la troupe céleste occupée à faire brûler le précieux parfum, puis le chant de la cigogne du haut des 9 étages de l'atmosphère avait frappé son oreille, et l'envoyé du Dieu suprême monté sur l'oiseau tenait à la main un ordre qui portait ces mots. « À 12h03, tu feras en rêve subir la peine capitale au roi des dragons. » Wei Qing s'était prosterné avec respect et reconnaissance devant ce divin décret. Puis, après avoir pris un repas maigre et fait sa toilette, il demeurait dans son hôtel occupé à examiner l'état de son glaive. La direction de ses idées avait été changée, et voilà pourquoi il n'était pas allé à la cour présenter ses hommages à l'empereur. Quand arriva l'ordre de Taizong, le ministre, fort épouvanté, ne savait trop quel parti prendre. Toutefois, il n'osait refuser obéissance aux volontés de son souverain. Il lui fallut donc au plus tôt rajuster ses vêtements, attacher sa ceinture à laquelle est suspendu le sceau marque de sa dignité, et se rendre au palais. Là, il frappe la terre de son front au pied du trône et demande à l'empereur pardon du crime dont il s'est rendu coupable. « Je vous pardonne, et vous ne m'avez point offensé, » répondit gracieusement Taizong. Et à peine les magistrats s'étaient retirés hors de la salle d'audience qu'il ordonna de faire rouler le paravent. La séance était levée. Wei Qing fut seul admis à rester avec l'empereur, qui l'emmena dans le palais des clochettes d'or, et le fit entrer avec lui dans le lieu réservé au plaisir du repos. D'abord, ils s'entretinrent des moyens de maintenir la paix dans les provinces, formèrent des projets tendant à affermir l'empire, s'occupant ainsi des intérêts les plus voisins et les plus éloignés. Mais l'heure de midi approchait, et l'empereur dit aux serviteurs du palais d'apporter un jeu d'échecs pour qu'il fît une partie avec son sage ministre. La volonté du souverain fut immédiatement exécutée par les jeunes filles de sa cour, et elles disposèrent la table de jeu destinée aux loisirs de Sa Majesté. Wei Qing témoigna à l'empereur combien il était sensible à un tel honneur, et la partie commença. Or, le souverain et le ministre jouaient ensemble dans la salle des loisirs. Les coups se succédaient. Les deux armées déployaient leurs rangs et s'attaquaient. Il y a un livre qui dit « La principale règle du jeu d'échecs, c'est de se tenir sur ses gardes avec attention. Les pièces principales sont au centre, les plus faibles sur les côtés. Les moyennes protègent les ailes de l'armée. Telle est la loi invariable qui préside à la disposition des forces. Cette loi dit « Il vaut mieux sacrifier un pion que de perdre une pièce importante ». L'éditeur chinois dit en marge « Le monde est un damier, les hommes en sont les pièces, il n'y a que les mots de changer. » Tout en attaquant à gauche, veillez à votre droite. Si vous harcelez l'arrière-garde de l'ennemi, songez à défendre les premières lignes, car si vous êtes victorieux sur les premiers rangs, vous le serez sur les derniers. Ce sont deux membres d'un même corps qui, pour être vivants, demandent à ne pas être séparés. Et cependant, pour les conserver, ne les faites pas trop dépendre l'un de l'autre. N'affaiblissez pas votre jeu en l'éparpillant trop, en le serrant trop aussi, vous l'embarrassez. Plutôt que de tenir aveuglément à un pion et de chercher à le sauver à tout prix, sacrifiez-le et vous vous en trouverez bien. Plutôt que de ne rien risquer et de rester en ligne, consolidez votre jeu et réparez vos pertes. Si l'adversaire est en force et nous trop affaiblis, songeons à défendre notre vie. Si au contraire, l'ennemi est réduit à quelques pièces et nous bien affermis, sachons tirer parti de notre puissance. Le bon joueur, quand il combat, n'est point querelleur. Le bon joueur, quand il range son armée, n'éprouve aucune crainte. Le bon joueur, quand on le serre de près, n'est pas battu pour cela. Le bon joueur, quand il perd, ne se trouble pas. La partie commencée avec des pièces disposées en bon ordre se termine par une éclatante victoire. Réparer ses pertes, quand l'ennemi ne vous attaque pas, c'est le vrai moyen de préparer une attaque furtive. Abandonner les pièces minimes sans trop chercher à les sauver, c'est la pensée d'un plan d'une haute portée. Le joueur qui touche à une pièce à l'aventure sans réflexion, c'est un homme qui ne sait pas calculer ses coups. Répondre à l'attaque de l'adversaire sans songer qu'il tente un piège, c'est le moyen d'être battu. Les vers disent « doucement, attention », comme lorsque vous entrez dans la vallée obscure. Cependant, comme Tai Tsong et son ministre étaient assis à la table de jeu, l'heure de midi 3 minutes les surprit. La partie n'était point encore achevée. Wei Qing laissa tout à coup tomber sa tête sur le damier et s'endormit d'un sommeil profond. À cette vue, l'empereur se mit à sourire et dit « Mon sage ministre a l'esprit fatigué, tant il s'occupe avec ardeur des intérêts de l'Empire. Il a épuisé ses forces à établir la division des provinces. Voilà pourquoi le sommeil l'a subitement vaincu. » Il le laissa donc dormir à son aise, sans l'appeler ni l'éveiller. Wei Qing ne tarda pas à revenir à lui, puis il se jeta aux pieds de son empereur en s'écriant « Sire, votre sujet a mérité 1000 fois la mort, il est 1000 fois coupable, le sommeil l'a accablé, et il n'a su ce qu'il faisait. Doit-il espérer que le souverain daignera pardonner à son sujet ce manque de respect ? Et en quoi ?» répondit Tai Tsong, « m'avez-vous manqué de respect ? Relevez-vous. » Or, la partie qui avait été brusquement interrompue et demeurait inachevée, il la continua de nouveau avec Wei Qing, qui exprimait à haute voix combien il était touché de tant d'indulgence. Cependant, comme l'empereur tournant un pion entre ses doigts cherchait à le placer sur le damier, de grands cris se firent entendre aux portes du palais. Aussitôt, Xin Chou Pao et Yu Meu Kong apportèrent une tête de dragon toute sanglante qu'ils déposèrent aux pieds du prince en disant « Sire, on a vu des mers manquer d'eau, des fleuves se sécher, mais une aventure aussi étrange que celle-ci, jamais on n'en a entendu parler. » « Et comment la chose s'est-elle passée ?» demandèrent à la fois le prince et son ministre en se levant de leur siège. « C'est à quelques pas d'ici, au sud du palais, » répondirent les deux chefs des gardes, « dans telle rue que cette tête de dragon est venue tomber au milieu d'un nuage. Votre ministre n'osera vous refuser des explications à ce sujet. » « Mais qu'avez-vous à m'apprendre ?» lui demanda l'empereur tout effrayé. À ces mots, Wei Qing se tourna vers son souverain, frappa la terre de son front et dit « Sire, c'est la tête du dragon que j'ai décapité en rêve. » Cette réponse frappa de stupeur le grand prince de la dynastie des Tang. « Mais, s'écria-t-il, pendant que mon sage ministre dormait, il n'a pas remué, il n'a fait aucun mouvement, il n'avait pas de glaive près de lui. Comment donc a-t-il pu exécuter ce dragon ?» Le ministre répondit de la manière suivante. « Grand prince, votre sujet, tout en étant devant son souverain, s'est éloigné de lui dans un rêve. Bien qu'il fût assis près de son empereur devant une partie commencée, ses yeux s'étant voilés et obscurcis, il est parti en songe bien loin, dans un nuage. Ses esprits sortis de son corps ont pris leur vol librement. L'être surnaturel était captif dans la tour du dragon coupé par morceaux. Là, les guerriers célestes le tenaient lié et garrotté. Alors, sire, votre sujet lui a dit « Tu t'es révolté contre les lois du ciel, ton crime mérite la mort, et j'ai reçu du Dieu suprême l'ordre d'exécuter la sentence. » À ces mots, le dragon gémit et se désola, et votre sujet ranima ses propres esprits. Le dragon versa des larmes et sanglota, puis il retira ses griffes, coucha ses écailles et s'offrit volontiers à la mort. Votre sujet reprit donc un nouveau courage. Après avoir retroussé sa robe et marché quelques pas, il leva son glaive étincelant et d'un seul coup la sentence fut exécutée. Voilà pourquoi la tête est venue tomber ici en roulant à travers l'espace.